para iniciar o trabalho, falámos sobre produção. Eu já tinha trabalhado, tinha tido o prazer de trabalhar com a Dona Adelaide no trabalho de um outro colega, João Puga, que é um artista da área de Montreal. Uhum. A Maria Santos também é da área. Chers auditeurs, Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. donc bonjour à vous toutes, Nous sommes eh bien le dimanche et le dimanche, eh bien c'est le retour avec bien sûr l'accordéon. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé une très bonne matinée, tout simplement pour attendre eh bien tout simplement le retour bien sûr de l'accordéon, tout simplement. Voilà, donc, eh bien, nous allons tout simplement continuer, bien sûr, avec un autre morceau. Parce qu'au début de l'émission, on a pu entendre un morceau d'accordéon. Donc, on continue, bien sûr, les titres d'accordéon. Je mène du côté de la montagne avec tout simplement Sylvie Pless. Le titre s'appelle La Montagnarde, et puis juste après, comme bien c'est le retour de la neige, et bien je mène avec le retour des flocons. Avec bien sûr la valse et des flocons avec Yvette Horner. C'est aussi ça. Thank you. essentiel. Voilà donc du Paso Doble et puis suivi du tango. Fiesta avec tout simplement André Lope. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Audrey Verschuren et puis juste après La Passion Musette. Sous les lampions et les coquillons, ils font

après, on écoutera Erika avec la Paloma Blanca. aussi à Geneviève, voici donc Jean Désiré Bailly. Voici donc le titre, s'appelle tout simplement Au bal des chasseurs. C'était chouette. Joue pour moi, accordéon. Jacques, t'étais le roi de Pâques, et qu'un chez les petits bistrots. Fallait passer la mollée, et le patron gueulait, allez rouler. À la montagne, c'est une victoire, quand tu jouais dans les bars, en duo avec Django. Tu faisais pleuvoir des étoiles, des perles de cristal sur la capitale. Moi, accordéon, joue comme ça, à ta façon, joue plus fort, je veux entendre encore ta chanson qui me trimballe au petit bal. Joue pour moi, accordéon. connaissez ça. Elle vit dans le quartier maudit. Sa vue est un chemin de terre, salie de plein de taudis, à la frontière de la misère. Comment une fille si jolie peut survivre dans cet enfer? C'est parce qu'elle s'est promis de ne jamais quitter ses frères. Tristana, Tristana, princesse des favelas. Tristana, Tristana, jamais tu ne partiras. Tristana, Tristana, comme le soleil de chez toi. T'as un cœur bon comme ça. Tristana, Tristana. Printemps après, tout simplement le jette-musette, voici en duo, et puis le titre de l'accordéon s'appelle tout simplement La marche des Gallois. Ça s'appelle tout simplement Belle Gitane, et puis juste après, on ira faire avec les étoiles. Danse pour moi, Belle Gitane, au rythme de tes pas. Ma belle gitane. bien tu vois, je suis sous ton charme, je donnerai pour toi ma vie et mon âme. C'est aussi ça. s'amuser et faire la fiesta au bal polonais. Si t'es fatigué, une petite vodka et c'est reparti avec les polonais. Les amis au bal polonais, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner pour bien s'amuser avec les polonais. qui s'appelle tout simplement Karine Fontaine avec La Marche, et puis juste après avec Erika l'accordéon 80. Thank you. commerciale. C'est aussi ça. Tout simplement de Michel Prouveau avec la faute à l'accordéon, et puis juste après un autre aussi de tout simplement Karine Fontaine avec tiens voilà l'accordéon. On si on oublie tous nos soucis et nos galères, si on danse sur le cœur léger, on ne pense plus qu'à s'amuser, c'est la faute à l'accordéon. On l'est toute la semaine quand on est au boulot. On entend les rengaines de la radio rétro. On écoute à tue-tête et ma rivette en mer. Nous on pense plus être, on ne veut pas changer d'air. Quand les oiseaux en cage, on attend le week-end. Pour tourner très vite sur les valses à Mercurel. On se fait la vie belle pour un petit bonheur. La musique nous appelle, on redevient danseur. C'est la faute à on s'y au ballon, change les chansons populaires. C'est la faute à l'accordéon. On s'y est samedi soir, on fait la fête sous les lampions. ciel. Puis juste après un morceau tout simplement de Polka. trois morceaux de valse. La première s'appelle Les jours heureux. We'll be right back. et j'ai eu des plaisirs de roi. J'ai admiré les merveilles du monde, mais la vie vagabonde assez. Si les cinq coins où mon cœur me rappelle, aux communes, aquarelles, jardins, coin de France, si on lève, où on danse et vit, si je le pense, si je chante. Les clochers de Rennes nous enchantent. Mon Aveyron, j'irai me voir ma terre, ces grands espaces, ces cours d'eau, ces lumières. En affleurant dans sa ville, en voyant les clochers de Rennes nous enchantent. Je vais aller voir pour celle d'histoire. Je parlera des cités du passé et de ses grands villes d'alors. En Aveyron, j'irai revoir ma terre, des milieux à relève et les belles Aveyronnes. En affleurant dans sa ville, en voyant le clocher, le relève nous enchante. On chante en Aveyron, j'irai revoir ma terre, des milieux à relève. Les belles Aveyronnaises, en affleurant dans sa ville, en voyant le clocher de Rennes nous enchante. Labourez. Voici donc les émissions pour demain. Nous sommes déjà lundi. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Et bien suivi le matin, tout simplement après Francky, tout simplement Jean-Pierre, vers l'émission vers le matin, entre 9h jusqu'à midi. Et puis dans la soirée, à partir de 5h jusqu'à 19h avec Fernanda. 100% Union, juste après avec Manu, avec l'émission On The Rock entre 19h jusqu'à 21h. Et entre 21h jusqu'à minuit, 23h avec Rémi, avec la rédac du sport. Et là, on continue, bien sûr, avec l'accordéon. Voilà donc, et bien aussi, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi à ma compagnie. On va se retrouver prochaine fois. Voilà, donc, Donc passez un bon fin de dimanche et puis on se retrouve prochaine fois. Voilà donc, et bien bonsoir à tous et à toutes. galês, a tentativa do saída já para o ataque pela esquerda. Passe com muita força, a bola transpira a linha lateral. Lançamento para Alves Leste. Lançamento para ser efetuado ali na direita da forma como defende. Defendem os homens do Lionel Scaloni, de adjunto para treinador principal. Uma Copa América no Maracanã. 28 anos de junho para a Argentina. Conseguiu conquistar a taça Copa América. E no Wembley também levantou a taça. Vai a bola rolando. Vai a bola rolando para a Argentina. Olha o Nicolas Otamendi. O jogador é 34 anos. Jogador do Sport Lisboa Benfica e da seleção Albiceleste. O outro que está em campo é também do Benfica. Falamos de Enzo Fernandes, que está a fazer igualmente um grande campeonato do mundo. Primeiros instantes da partida num ambiente verdadeiramente inacreditável. A Argentina e os seus adeptos com uma fé inabalável. Do lado dos franceses, eles também com uma fé que não termina mais. Acreditam que o título pode ser renovado. Vamos ver. Você vai estando ligado connosco. Como dizia Jorge Valdano, no campeonato do mundo, todos os dias são domingo. E viva o futebol! Vai a bola sendo tocada atrás para Romero. Dá na direção do Nico. A bola a ser atrasada para o guarda-redes e Mariano Martínez. Já levantou sobre a linha divisória. Chega Théo Hernández. Lá está ele, Théo Hernández. Um dos jogadores da equipa francesa que foram alvo da tal gripe dos camelos. Já vamos saber com o Queiroz o que é isso da gripe dos camelos.